Je crois que c'était en la bémol. Attends, voilà, pam pam. Fais chier. Something missing up on the loss in my mind. Un truc comme ça. Oh, ok. Attends, sinon j'arrête de transmettre sur l'autre là et puis on passe sur une.